On est en direct, on reprend direct. Et apparemment, monsieur Hero est cherché. Donc, si vous nous entendez, docteur Hero, Régis, vous êtes une patiente ? Une patiente vous cherche. Donc, voilà. Il est quelle heure ? Il est 17h08. On a encore 48 minutes à passer ensemble. Tu vois, je vous présente Adrien. Oui, c'est son. Asseyez-vous, hein, prenez place. Prenez place. Il y a Loïc Seul qui fait le programme. Covid. C'est toi qui les as amenés ? C'est Pedro qui les a amenés, c'était là. C'était... On a un ami qui travaille pour Chimère, là. Attends, qu'est-ce que moi aussi, je vais me prendre un café. Donc, on a les programmes. Julien, tu veux parler d'un truc particulier ? C'est pas encore. C'est pas encore, ok. Aujourd'hui, ça va être la grande impro, alors. C'est pas grave, hein ? Moi, j'aime bien. Attends, ok, est-ce qu'on est connecté ? Ça, je sais pas si vous aurez pu. Ah, c'est comme ça. Non, il n'y en a pas. Assez. Oh, voici le micro. Oh. Tu peux essayer les autres micros, là ? un deux. Parfait. La salle qui sur la musique, tu mets un peu de musique. Tu veux faire la playlist déjà, comme ça on est en plein. Oui, on peut dire ce qu'on veut. On écoute les autres, enfin on donne la place, mais. D'accord. Hein. C'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier pour que ça. On est prêt quoi. Et après, Ok, on est là, je pense qu'on est là. Oh, on est, on transmet, ça fonctionne je crois. Est-ce que vous voulez mettre un peu de musique ? Ouais, ici on a la bonne musique. Là, après il faut que je t'appelle la table. Bon, aujourd'hui, ça, c'est l'impro totale. Hey, on ramène le prophète, le poète, on ramène. Oui. Tu viens, mon ramène ? Tu vas aller chercher en bas, du coup. Attends, lui, je viens d'arriver. Il peut m'en va pour le tour. Bonsoir. Ça va, monsieur Héro ? Ça va quand même. Héro ? Il n'y a pas d'héro ? Je ne sais pas comment dire. Dans 10 minutes, on est en direct là. Attends. Mais pour l'instant, c'est chauffe. Préchauffement. Ouais, tu veux parler de quelque chose ? On est un peu paumé, mais c'est pas grave. Tant qu'on est paumé ensemble, c'est bon. On fait la compote, quoi. C'est n'importe quoi. Paumé, compote. Paumé seul, c'est la galère. Paumé à plusieurs, c'est rigolo. Est-ce que tu as chanté, toi ? Oh. Est-ce que tu vas nous faire écouter un vieux truc à toi ? Ah, je veux bien, ouais. Pas, bah, ouais. Bah oui, j'adore après, j'écoute en boucle. Donc, on commence dans 8 minutes. Qui est prêt pour commencer ? Toi, tu veux commencer, Julien ? Je te dis, mais dans 8 minutes. Tu trouves que tu es prêt ? Tu te prépares intérieurement ? Je te dis où tu vas, tu prends le micro, tu dis ce que tu veux. D'accord. Tout ce qui passe par ta tête, sans filtre. J'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Ça va bien. L'inspiration, c'est comme les escargots. Ouais, ouais, c'est la famille. Prenez une chaise. La chanteuse. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Oh oh oh oh oh. Bonjour. Surtout notre tous les prénoms parce qu'après il faut que je. Ton prénom. Attends. Pourquoi tu n'entends pas? Ah, parce que Simon. C'est ma petite sœur. Ah ah ah oui, j'entends. Oh non. Oui. Oui. Tu peux t'écouter après. Tu veux pas ça. D'accord. La vidéo, c'est l'ancien. Ça, parce que ça. On va pas taper une femme parce que c'est son punching ball. On va l'aimer comme ça parce qu'elle est belle. Et c'est comme ça que tu vas exprimer tes sentiments envers cette femme. Pourquoi tu la tapes? Pourquoi tu lui dis pas que tu l'aimes tout simplement? Moi, je bannis les hommes. Et de toute façon, après, on va dire que les femmes aussi tapent les hommes. Ça existe. Mais il n'y en a pas plus que... Pas au même niveau, non. Bah oui. Non. Après, quand on va faire une balance entre les deux, on va trouver qu'il y a beaucoup, beaucoup. Mais après, ce qu'on n'accepte pas, c'est que la femme, elle a des enfants après avec cet homme. Parce qu'elle choisit de rester avec lui. Mais les enfants, ils n'ont rien à demander. Ils n'ont pas demandé à venir sur Terre. S'ils ont choisi de faire des enfants, et la femme, elle continue à rester avec lui. Mais en plus, non seulement il va taper sa femme, mais aussi il va taper ses enfants. Est-ce que c'est, par exemple, est-ce qu'on peut accepter encore aujourd'hui cela? Non, heureusement qu'il existe des associations de femmes battues, et elles existent. Moi, quand je parle, tout ce que je dis sort de ma bouche, c'est de la vérité. Je le sais. Parce que, après, on n'est pas en direct, parce que moi, je l'ai vécu. C'est une histoire vraie. Je l'ai vécu. J'étais victime de violences conjugales. Je suis restée après 5 ans seule. Et Dieu merci mon Dieu, que je remercie. On a le droit de le remercier. Il y a un bon Dieu sur terre. Hein. Après, ceux qui sont athées, moi, je n'ai rien du tout contre les athées. Hein. Mais j'ai refait ma vie. Je suis restée 5 ans seule. J'ai fait le tri avec mes 2 enfants. J'ai refait ma vie. Je me suis remariée avec quelqu'un d'autre qui m'a donné de l'amour. Et il ne m'a pas donné de coups. Il ne m'a pas donné du tout de coups. Et il était contre tout cela et j'ai eu un enfant avec lui. Maintenant, j'en ai 3. Voilà. Et ça existe. Ça existe des hommes qui ne battent pas leurs femmes. Mais moi, je voulais pousser mon gros coup de gueule aujourd'hui pour les violences. Donc vous allez, on est en 4 minutes de en direct. Donc si vous pouvez répéter ça. Waouh, c'est trop. Mohamed, c'est trop là ce qu'il me demande. Si, on enregistre, mais là, on n'est pas encore en direct. Ça va être dur. Faut appeler Docteur Simon. Il est mort, malheureusement. Qui a connu Docteur Simon? Personne. Qui a connu ici Docteur Simon? En voiture, Simon, on disait. Ouais. Vous l'avez connu? Non. Bon, on est à 3 minutes de direct. Docteur Sanson? Vous ne l'avez pas connu ici? Tu as fait un peu sélection de son? Même pas au CMP? Non. Docteur Lavenu? Docteur Lavenu? Bien joué, Fadela. Elle était bien. Docteur Lavenu a été super bien. Elle est partie dans le sud, je crois. De la... Il y a Docteur Lavenu qui est une bombe. Une bombe atomique. Elle va parler de franchement. Voilà. Tu vas nous parler de William Burroughs? Ah non, pas cette fois-ci. T'as vu? Je vais aller au journal vendredi. Prends un micro parce que t'entends un peu mal. Bah non, cette fois-ci, j'ai quitté mon humeur un peu studieuse. Donc ouais. J'ai un peu tout oublié, mais je vais m'y remettre petit à petit. Oui, déjà que tu sois là, c'est. Ouais, c'est bien. C'est super. C'est bien. Non, plutôt la Beat Generation. Beat Generation. Bon, Seattle aussi. Comment ? Enfin, Seattle aussi, mais j'y ai jamais mis les pieds. Ah oui, d'accord. Ok. On est presque. On est non. À 2 minutes de notre émission directe sur Pinot. Voilà. On est presque. Je voudrais vous parler. Oui, allez-y, on vous écoute. Je voudrais vous parler de quelque chose. Allez-y. C'est important. Toute la santé, ça va très bien. J'espère que ça changera la vie. Oui. Et après, il y a tout le monde qui va bien. Je presse ma famille en Algérie. Je presse tout le monde. Il me manque beaucoup la famille. La famille. Et c'est tout. C'est tout. Okay. C'est tout. C'est tout. Mais c'est tout. Je sais que vous avez là, vous parlez des tout en fait. C'est ça. C'est tout. Et parce que je n'avais pas compris, vas-y, j'ai envie de parler de tout. Et parce que vous, en fait, finalement, vous dites c'est tout. C'est tout. Parlez de tout. Oui, parle de tout. T'as et tout. Voilà, c'est tout. Mais vous allez revenir là parce qu'on est à une minute directe de notre émission directe de tous les mercredis sur Pinot. Voilà, il y a Siol qui. Tu me parles de quoi hein? Oui, prends le micro là. Tiens. Allô. Tu l'as pas noté lui. Ça marche pas. Ça marche le micro. Oui, ça marche. Tu entends pas? Ça marche le micro. Ça marche très bien le micro, Florent. Ah ok, d'accord. Ben, c'est Florent. Je voulais passer une dédicace à tout le monde et voilà. Merci Florent. Super Florent, c'est bien que tu sois là aussi. Ça fait longtemps qu'on ne te voyait pas ici à la merci, radio. Merci, oui, c'est vrai, ça faisait c'est longtemps. Cool, j'avais l'habitude toujours de venir. Ici, hein. Ah, c'est gentil, merci, ouais. Ça fait plaisir. Même si tu n'es pas hospitalisé, tu peux venir à la radio. Hein. Non, je suis hospitalisé pour l'instant, je ne mens pas. Je suis hospitalisé. Je suis hospitalisé, moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas moyen de sortir? Pour l'instant, non, il n'y a pas de moyen. Mais un jour, tu vas sortir d'ici. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, tu vois. Quand tu sors d'ici, tu peux toujours venir à la radio. Ouais, voilà. Ça fait ouais, je reviendrai, bah, ouais. C'est avec plaisir. Tu vois, même Mohamed qui part en séjour, en permission, ouais, il vient pour la radio. Il vient à la radio parce qu'il aime bien. Ouais. Siol, il n'est pas hospitalisé. Moi, je ne suis pas hospitalisé. Elle est sortie. Viens au théâtre, viens voilà. Avec tout à faire, quoi. Non, c'est parce que ça fait plaisir, en fait, de faire des activités. Ça, je voulais dire, en vrai. Oui. On est dans la. C'est un plaisir de faire des activités. Et la radio, c'est une activité ouais. Comme une autre. Oui. Puis on et peut s'exprimer. C'est bien, quoi. On peut s'exprimer, voilà. Ouais. C'est ce que j'ai fait, même si j'avais pas grand-chose à dire. J'ai pu est-ce que tu as. Parce que là, on est déjà en direct, là, sur Pinot. Tu veux dire un message pour les gens qui nous écoutent à la radio? Bah, vivez bien la vie, hein, profitez des bons moments. Et voilà, surtout profitez des bons moments et gardez que le meilleur. Hein, si vous pouvez. Oui. Et c'est quoi pour toi les bons moments de la vie? Tu as un exemple? Bah, pour moi. Oui. Je sais pas trop, hein, c'est un peu confidentiel, voilà, c'est un peu mon jardin secret, mais bon. Tu peux le dire en langue un peu codée, quoi. Non, je peux pas. Comme ça, seulement ceux qui savent vont non, comprendre. Non, c'est le contact avec mon père en prison, hein, je pense. Hein. Mm. Et voilà, depuis que je le vois, là, depuis que je suis revenu du MD, bah, ça fait du bien. Ouais. Il va bien, là? Ouais, il va bien, ouais, il va bien. Tu cool. Le voyais pas quand tu étais en UAV? Non, je le voyais pas, mais on correspondait par lettre. Il te répondait? Ouais, il me répondait. Les infirmiers me tenaient ces lettres. Ah, c'est bien pour le Oui, peut-être tu peux le donner à l'adresse de notre radio à ton père qui nous écoute le mercredi s'il a envie de. Bah, je sais pas, c'est quelle fréquence déjà en fait, sur l'instant, c'est internet. Je vais te le noter, comme ça tu vas donner. Non, c'est quel numéro de station en fait? En fait, on est sur la FM digitale, tu vois, donc c'est pas la FM ancienne, okay, c'est pas mais la FM, c'est la DAB, ça s'appelle. Okay. C'est la nouvelle radio sur la DAB digitale. Ah, je connais pas moi tout ça. Et sinon, sur internet. Moi, je connais pas. Internet, je connais très peu. Mais je vais te le noter tout ça, comme ça tu vas donner un papier et voir s'ils peuvent l'écouter. Pas de souci. Et sinon, et aussi, tu peux enregistrer sa voix sur ton téléphone et on peut le passer à la radio. Ouais, je peux regarder sur mon téléphone, au pire. Ah oui, il y a une manière que tu peux l'appeler et puis je sais pas, on peut l'appeler en direct même. Ouais. Ah, parce que là, on a quand même un téléphone. Appeler qui? Appeler ton père. Non, ton père, on peut pas l'appeler peut-être. Non, on peut pas l'appeler, non, on peut pas l'appeler en prison comme ça, c'est pas l'hôtel. Ça oui. Passe par le secrétariat, le greffe et ainsi de suite. Ouais, mais sinon, on a. Ici, il peut nous appeler, quelqu'un peut nous appeler ici à la. Je vous donne le numéro de la radio. Ah, voilà, donnez-moi le numéro de la radio. On a un numéro téléphonique maintenant, hein, depuis quelques temps. Et je vais voir, je ne connais pas par cœur. Pour la voyance. Pour vous tous, écoutez le numéro pour tout, de la oui, radio. Pour la voyance. Je ne sais pas où il est parti, Jean-François, il était en bas, je l'ai vu. Ouais, là, mais oui. Notre numéro, c'est le 06 60 27. 06 60 27. 06 79. 06 79 06 60 27 06 79 voilà c'est notre numéro de la radio 06 60 06 27 06 60 27 non attendez non 06 09 76 60 27 06 79 ah ouais 06 79 voilà parfait oui merci et vous pouvez nous appeler si vous pouvez vous voulez parler ici avec tous les métanoïaques présents. Et les pères de Florence, s'il veut nous appeler, s'il peut nous appeler à un moment donné, il passe directement à la radio et on va te donner le lien. On peut l'amener à Radio Digitale, peut-être, il peut nous écouter comme ça. Je ne pense pas qu'il nous entend, non. Il a la radio en prison pense pas. Quoi non, il n'a pas de radio, lui, personnellement, je ne pense pas. D'accord. Bon, on va trouver la manière, sinon on va l'envoyer un message codé, un papier. Ok, je vais envoyer des lettres, mais je n'ai pas reçu de réponse. Ah voilà. Oui. Et tu veux dire quelque chose pour lui à la radio? Peut-être s'il va l'entendre quelque part. Non, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai hâte de le revoir et voilà. Ok. Bon, tu vas le revoir bientôt. Là. Ok, j'espère. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, comme on dit. Ok. Super, merci beaucoup, Florent. Merci. Hein. Là, tu peux reprendre le micro quand tu veux. Ok, merci à tous. Siol, alors c'est quoi? Et on a un programme nourri d'improvisation ce soir. Il y a Julien qui voulait nous dire quelque chose. Vas-y, Julien, prends le micro. Oui. Tu peux nous parler. L'infection de l'estomac, en fait, c'est une infection très claire. C'est une infection de médicaments sales. Et il faut juste un petit médicament qui s'appelle simplement le bio. Et le bio, c'est en fait quelque chose qu'on avait avant qu'on n'a plus. Mais ça peut se reconstruire tout à fait bien dans les magasins comme on faisait avant. Comme du citron, des cacahuètes, un peu de tout, comme un venez, et du coup, ces enfants n'aiment pas. Et ça veut très bien guérir un enfant au bout de 2 heures, 5 heures, 10 heures, sur une pauvreté comme ça, ça peut guérir un enfant au bout d'une demi-heure, je veux dire. Oh, super, merci à cette colonne sur la santé, hein. C'est ça? Attends, prends le micro, ça. Pour un médecin. Bah oui, oui, mais la santé, c'est la et santé. Les légumes très frais, c'est l'ananas. Et un petit peu de ce qui est citronné, c'est vu sur Internet. Mais personne n'y pense, parce qu'on en fait, on perd trop la mémoire quand on est dépassé. Il faut régler le temps, des fois, il faut penser à notre travail. Notre travail est très important, sinon on perd la boule. Quand on a trop peur, ça va prendre des pauses vraiment longues. Donc on se fatigue, et vous savez que le corps humain n'aime pas être dérangé en la nuit, mais aime bien qu'on est embêté. Mais quand on pense à 8 minutes de sommeil, ça repose 8 minutes de chaque sommeil. Et c'est très important. Quand on pense à son équivalent à des Alzheimer, à son très candide, par exemple Ça, c'est pas bien. Si vous étiez pas un docteur précieux, vous serez toujours aigri. Si vous montez toujours au docteur, vous serez toujours aigri. C'est ça le problème d'Antiris Coin. Si vous pensez pas venir, je vais vous détester. On verra combien de temps on devient au frais. Caca, oui, je sais. Après, il y a d'autres aliments, comme la biologie, qui vous excitait dans le médecin, qu'on doit pas dire ce qu'il aime pas trop. Mais c'est si un ça gentil, il faut le comprendre. Il aime bien la tabatiche, il aime bien la cigarette, le problème c'est qu'il n'y en a trop. Et je serais d'être chez non. Si alors la cigarette, c'est un problème d'oligotrophie. C'est comme tremper un poisson qui est sec. Si on trempe un poisson qui est sec, bah on est pourri, c'est tout. Oh, super, Julien, wow, quelle classe de... Super. Ouais, non, mais incroyable, tu vas nous parler tous les mercredis de la santé, tu parles mieux que n'importe quel médecin en ville, mais si tu as une connaissance de la santé impressionnante. Ouais, ça, tu la partages, ça c'est super quoi, tu vois, que tu puisses partager ta connaissance. Des noix, des dattes. Tu reprends le micro s'il te plaît. Magali, micro. Des noix, des dattes, du miel, des citrons, des mandarines, des clémentines, des fruits déguisés, des pommes, des tartes aux pommes, des chaussons aux pommes. Prends le micro. Comme par exemple, la dame elle parle, on avait quoi en 2023 dans les magasins? On n'avait pas autre chose? On n'avait pas autre chose, les carrettes et tout, les grands trucs qui étaient au carrefour et tout, qui étaient bons pour la santé, que tout le monde voulait, on n'en avait pas beaucoup. Et là, ça a été survidées, les images. Voilà. Et alors, de là, tout a disparu, parce qu'on ne savait plus travailler la géologie. Alors, dans un cas, ils ont retenu un autre truc très spécial, c'est le lait comme ça, avec un peu de calcium. Mais ce qui peut être bon avec... Des fois, un verre de lait prends le micro, Magali, pour qu'on puisse t'entendre. Ah non, moi, je et là, parfois, crème. Avant de se coucher, un verre de lait demi-écrémé, ça fait du bien aussi. Ça aide plus à rire, à maigrir. Et c'est plus frais en matière à son protéine. Et plus frais en forme, comme un enfant en forme. Mais si, par exemple, on mettait des frites avec un sac à chien, qu'est-ce que ça ferait, madame? Répondez à ces questions. Magali, c'est une question pour toi, je crois. Vas-y, essaye de répondre. Prends le micro. Bah oui, je sais pas. Julien, toutes tes recettes sont bonnes. Tu parlais de magasins bio, de fruits frais, de fruits frais, de miel, de plein de trucs qu'on trouve facilement et qui sont simples et qui sont bons pour la santé, effectivement. D'accord. Moi, je dis qu'il y a un truc. Allez, très simple, c'est comme guider une horloge. Si vous ne la guidez pas comme une horloge, c'est foutu. Mais si quelqu'un est différent de l'autre, voilà, c'était vu, c'est tout. Et à un moment, tu dis, tu te transformes en magasin. C'est mieux. On va régler si on peut. Sur un camp, on est foutu. Super, Julien. Quel apprentissage nous fait. Il y a des pommes qui arrivent là. Ouais, bonjour. On est nombreux aujourd'hui. On est une dizaine. C'est superbe. Bonjour, Madame Adriansen, tout le monde. Sophie, on peut changer de nom à la radio, on n'a pas besoin de dire nos noms, comme on est. Oui, vas-y, c'est pour prendre, c'est des pommes. Il y a Régis qui a amené des pommes pour tout le monde, là, pendant qu'on parlait de pommes. Siol, est-ce que tu veux nous dire un peu, quoi, tu veux parler un peu, nous mettre un peu de la musique, c'est quoi ton... Écoutez, je vais mettre une musique pour Magali et pour tout le monde. C'est une ancienne musique que j'ai faite, c'était, je pense, en juin. Je sais plus en quelle heure, je sais plus c'était quelle date, mais je vais la mettre du coup. Ok, pendant que tu. Attention, le micro, il faut pas le poser comme ça, sinon ça. Excusez-moi. C'est pas grave. Non, mais pour l'instant, on est un peu en galère de matériel, donc on essaye de faire comme on peut. Ouais, tiens, là. Merci. Donc voilà, après, vous voulez parler entre temps qu'on cherche la Madame Chou C'est quoi votre prénom? Je suis mauvais, j'ai un peu l'Alzheimer avant la date, mais je voulais tous les prénoms. Et Madame Shurtani, est-ce que vous voulez prendre le micro et nous parler un peu de tout? Magali, tu peux le donner à Madame Shurtani un peu de micro? Parce qu'elle va nous parler de tout, parce que c'est la colonne de tout, elle parle de tout. Allez-y, on vous écoute. Qui je voudrais vous dire quand même que ma famille me manque beaucoup en Algérie. Et j'espère que il me manque très beaucoup. J'espère. Et j'espère que vous passez une bonne soirée avec la radio. J'adore la radio. Ouais. J'adore les spectateurs, j'adore. Et bien, je vous remercie tous que vous êtes accompagnés aujourd'hui ici. Ça me fait plaisir. Et c'est tout. C'est tout. La colonne, c'est la chronique du tout de Madame Choutani, qu'on lui parle de tout. Et c'est tout. Merci beaucoup. Bon, Fiol, vas-y, je te lance. Tu veux présenter un peu le nom de la musique et ton... Donc, la musique, c'était une musique pour mon père. Elle n'a pas vraiment de titre. En fait, c'est juste Papa. Voilà. Et du coup, je parle de sa maladie et du rôle qu'il a joué aussi dans sa vie. Donc, voilà. Ok. Et c'est quoi ton... C'est, parce que je sais que tu as plusieurs noms de scène. Du coup, sur ce titre-là, c'est Siol. Siol. Siol. Siol sur ce titre-là. Ouais. Tu parles sur Siol. Ok, vas-y. Siol, on écoute sur radio. C'est parti. Metanoia, Pinot, on y est tous les mercredis, 17h. Super. Alors, Magali, qu'est-ce que tu penses? Prends le micro. Bah, moi, j'ai toujours été fan de Siol, de Loïc Siol. Je trouve que c'est toujours une voix hyper limpide, que c'est bien posé, que tout l'arrangement fonctionne hyper bien. Et quoi qu'il fasse, parce qu'il nous a fait écouter pas mal de trucs après, qui étaient dans un style un peu différent, un peu house ou un peu, je sais plus. Enfin, c'est, tout fonctionne, quoi. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Mais c'est vrai que cette chanson sur son père, elle m'avait touchée particulièrement, puis elle m'avait fait penser à une chanson de... j'ai un trou de mémoire, mais elle m'avait fait penser à un autre artiste français hyper connu qui parlait sur son fils aussi. Voilà. Tu veux dire un mot, Siol ? Ouais. Merci beaucoup, Magali, pour ce que tu viens de dire, et ça me touche. Vraiment. C'était une musique que j'ai faite sur le moment. Je pense que j'ai besoin de la faire, cette musique, il y a très longtemps, parce qu'il fallait que ça sorte, il fallait que je dise quelque chose par rapport à ça. Et du coup, j'ai interprété la musique en étant dans la peau de mon père. Même si je ne peux pas vraiment être dans la peau de mon père, mais j'ai essayé de me mettre dans sa peau. Bah, en fait, ça me faisait penser à une chanson de Renaud. Une chanson de Renaud où il parle d'un hypothétique fils aussi, quoi. Une relation plutôt au-delà des mots et au-delà du temps sur Terre. Bah voilà, en tout cas, merci beaucoup, Magali. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous. C'est gentil. Merci à toi, Siol, de pouvoir te... Merci. D'avoir confiance en nous, nous montrer, et puis surtout ta capacité de pouvoir parler des choses intimes et profondes d'une manière si artistique, et ludique, et ça percute, ça permet que tout le monde puisse s'y connecter. Là, tu vois, Florent, par exemple, tout à l'heure, il s'identifie aussi dans ta chanson, parce que tu vois, tu parles des choses. Et moi, je pense que l'artiste, son rôle, c'est ça, c'est de pouvoir partager ces expériences intimes pour que les autres aussi puissent se retrouver. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Martin. Et surtout qu'en plus, je pense que quand je compose et que je fais musique, j'ai du mal en fait à voir les répercussions, en fait, les choses, les connexions que ça peut avoir avec les autres, parce qu'en général, je les écoute que tout seul. Mais le fait de les faire partager mes musiques avec vous, je pense que ça peut aussi créer une connexion avec d'autres personnes, et c'est très intéressant. Et je suis content si ça permet de me connecter avec d'autres personnes, et que ça peut aussi partager des émotions et des sentiments qu'on a en commun. Oui. De choses à faire, y compris des succès personnels au niveau de tes formations et tout ça. Est-ce que tu es toujours dans la composition et dans la création, ou est-ce que tu as laissé tomber? Du coup, c'est pas mal d'avoir écouté un morceau un peu plus ancien pour peut-être te donner envie à nouveau de composer et de créer, quoi. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, Magali, parce que entre-temps, il y a donc Siol, ce que je faisais avant. Le côté un peu lumineux, un peu nostalgique enfin artistique que j'ai, en fait je l'ai transformé, et c'est devenu aussi maintenant je m'appelle Nero 6 N6, et c'est plus un aspect très plus sombre de ma musique. Et tu veux nous montrer un peu de ça? Je crois que je l'avais déjà fait écouter la dernière fois. Mais tu peux mettre un autre, c'est Rossis. Je sais que tu composes. Je profite que tu es quelqu'un de très prolifique. Hein. Et c'est super, parce que Loïc, il a plusieurs formations à l'intérieur de lui-même. Et c'est ce qu'on travaille à la deuxième radio qu'on commence au CTTP, Radio Schizophonia. On travaille justement la capacité d'être multiple à la fois. Parce qu'il y avait un musicien qui s'appelle Raymond Schaeffer qui disait « I'm not schizophrenic, I'm schizophonic ». C'est-à-dire que la capacité schizo, c'est une capacité aussi. Quand il y a trop de pression, des fois, on doit se démultiplier. C'est comme la partie, vous voyez, une particule qu'on doit traverser un mur, elle se divise en plusieurs pour pouvoir être plus fine et rentrer et traverser la preuve. Mais j'ai voulu aller au CATTP. Micro. Attends, prends le micro. J'ai voulu aller au CATTP à l'atelier radio, j'ai pas réussi, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas. Là aussi, attends, je te laisse le responsable là qui va te dire. Ah, d'accord. Ah oui, du coup, il faut s'inscrire pour venir faire un rendez-vous. Donc, je vais vous faire un petit courrier. C'est qui votre médecin ? Docteur Serra. Eh bien, le docteur Serra, il va faire un petit courrier. Et puis, on vous donne un rendez-vous au CTTP. Vous téléphonez au CTTP, ils vous donneront un rendez-vous pour venir un vendredi. Mais en attendant, vous venez... Ah, je croyais que c'était tous les lundis matin. Oui, mais le vendredi, c'est pour s'inscrire au CTTP. Ah, d'accord. Une formalité administrative. Ah, bah avec grand plaisir. Merci. Oui, oui, c'est des formalités, mais... Suave Magali, M-A-G-A-L-I. Parce que c'est, en fait, c'est la nouvelle radio qu'on va diffuser une fois par mois. Ça va être plus construite. Et c'est les lundis matins, effectivement, l'enregistrement. Mais les jeudis, on va faire l'édition. Tout ce qui est mixage, on va mettre sur Internet, le podcast. Donc, si vous voulez venir à ça aussi, vous pouvez venir. Lundi, c'est enregistrement. Jeudi, c'est édition, travail de mixage. Ouais, pareil, même endroit, dans la Colombie. Bon, on va écouter un peu le deuxième projet de... Parce que tu en as combien de projets, Sol ? Attends, Loïc, tu prends le micro parce que sinon on n'écoute pas. Donc là, c'est le personnage Nero Six de la N-Corp, donc un personnage beaucoup plus sombre. Le titre s'appelle Dead More. Dead More, sombre, on y va. À 18h, on n'a pas encore. Piqué, on m'a tué, car trop calibré, symphonie mortelle, bouteille de trop, supplice mortel, torture mentale, psychomaniaque, psychotique, dead, mort, j'suis dans la poudre, mort, dead, mort, j'suis dans la poudre, dead, mort, mort, dead. Vengeance, méfiance, mon gars, car je dors, mais à mon réveil, entends-toi les délais comme ma porte, comme ma porte. Je vais t'égorger salement, bêtement, violent, diamant sur ma tête. Je suis une simulation. Effusion de sang sur les murs, pécule, mordure, ta tête fissurée, empalée sur mon pic. Attention à mon as de pique, je sens les glocks, tu restes sous choc. Unique, Akimbo devant les yeux, tu vas commencer à prier Dieu. Mais tu vas pas échapper à ta mort. Je vais tirer droit dans tes yeux. Sans glacer, on m'a tué, décapité, symphonie mortelle, bouteille de trop, supplice mortel, torture mentale, psychotique, psychomaniaque, bipolaire, dead, mort, j'suis dans la poule, mort, dead, mort, j'suis dans la poule, mort, dead, mort, mort, dead, j'suis dans la poule, mort, dead, mort, j'suis dans la poule, mort, dead, mort, j'suis dans la poule, mort, dead, mort, j'suis dans la poule, dead, mort, mort, dead, dead. Wow, ouais. Merci beaucoup. Prends un micro, Madame Adriansen, prenez un micro, Sophie. Sophie, tu peux prendre un micro, s'il te plaît. Bien sûr. Tiens, on va prendre. Julien, tu les passes le micro à Sophie. On a deux. Merci. Deux micros. Voilà, deux micros. Qu'est-ce qu'on fait avec deux micros? Allez-y. Je suis contente, je t'ai réveillée. Je sais pas où t'étais. Depuis tout à l'heure, je regardais. Dès que vous avez dit passez-lui un micro, il a fait ting. Donc bon, moi c'est Sophie, enchantée. Et je suis contente d'être passée. Ça faisait quasiment 3 semaines que j'étais pas venue et vous m'aviez tous manqué. Ah ouais, vous m'avez tous manqué. Et les gens dehors, qui ne sont pas enfermés comme nous, ou comme ils disent, fous comme nous, bah, ils sont hyper chiants, quoi. Ouais. Ça vient du cœur, voilà. Ils sont hyper chiants. C'est pas possible, quoi. Alors là, je me tuerais. Ah ouais ? Attends, il faut partager un micro à Magali qu'il est d'accord. Il veut parler. Après, je peux finir, docteur ? Mais un micro, ça suffit, non ? Ah, je garde le sien. Ouais, ok. Il a été donné avec amour. Mais oui. Ouais. Après, non, je dis juste que c'est vrai que des fois, je trouve que dans ces lieux où on partage un peu plus d'aspérité, un peu plus de vrai, un peu plus d'imaginaire, parce que parfois, on est dans le milieu du travail, milieu normal, comme il se dit, et c'est vrai que les gens sont trop uniformes et trop dans l'uniformité. Voilà, donc nous, on aime bien un peu rêver et ouais. Dessiner des rêves. Voilà. Amen, bien dit. Hey, c'était super. Victor Hugo, hey. C'était super. Super, Magali. Voilà. Et donc, je disais que bah, elle a tout dit. Hein. Bah, j'ai plus rien à dire. Elle a tout dit. Mais il y a toujours des choses à dire. Hein. Donc, voilà. Non, je suis contente de vous voir. Oui, nous aussi, on est contents. Ouais. Mais, moi, à l'époque, vous, Sophie, vous faisiez une chronique sexualité mystique. C'est ça, hein? Non, c'était loin, ça. Non, là, docteur, vous êtes en train de me balancer une vanne ou Oui, non, c'est vrai, vrai. C'est vrai, mais les gens, ils accrochaient pas ou ils étaient un peu timides ou ils osaient pas. Et il y avait même une de vos stagiaires qui était assise ici. Oui. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Vous avez dit un mot un peu bizarre quand je vous ai parlé d'elle. Elle s'est envolée, on va dire. Donc voilà, et c'est vrai que les gens, ils étaient assez timides, ils osaient pas. Donc voilà. Il n'y avait même pas que la... Si, c'était ça, la sexualité et la place de la femme. Voilà. On peut reprendre. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus aujourd'hui pour reprendre votre chronique? Ouais, j'ai un truc à dire. Allez. Allez. J'ai été au relais, j'ai été à la gare du Raincy. Bon, ça va peut-être faire crier quelques nanas, hein, mais je m'en fiche. Donc voilà, j'ai vu le calendrier. Ils ont fait un calendrier Pirelli Docteur. Comme à l'époque, le calendrier Playboy, avec pour chaque femme, je suis désolée, hein, je suis un peu bizarre des fois, avec pour chaque mois une femme. Ah oui? Ouais, et pareil pour les hommes. Ils ont fait le calendrier des rugbyman avec pour chaque mois un homme baraqué différent. Je peux mourir. Donc voilà. Ouais. Oui. De quoi? Vous voyez pourquoi j'aime pas parler de ça, docteur ? C'est compliqué. Alors, prends un micro, Siol. C'est que... compliqué. Attends. Tu trouves que ça fait femme objet ? C'est bon, ça marche, ça marche. Je sais pas. Enfin, ça peut, je pense, déplaire à certaines femmes de se considérer comme un objet, certes. Mais moi, ça me fait rêver. Je pense que Magali aussi, ça la fait rêver. Moi, les femmes comme ça, perso, elles me font rêver, elles me sortent de mon quotidien. Elles sont jolies, elles sont apprêtées, elles sont maquillées. Bon, on voit un peu leurs fesses ou leurs seins. Je pense que dehors, on a vu pire. Donc voilà, ou sur Internet, on a vu pire. Et elles sont hyper belles. Oui, bah après... Il faut penser à Marilyn Monroe, à toutes ces femmes qui nous ont toutes fait rêver. Donc voilà, après, si les gens pensent que c'est des objets, moi, je crois pas. Je pense que la majorité des hommes rêvent... d'être marié avec ce genre de femme. Oh, ça dépend. Je pense que ça va être... Oui, après, ça dépend. Ça dépend si... Si les parents sont d'accord. Oui, mais en fait, ça dépend. Je pense que là, si on voit une femme représentée sur un calendrier, du coup, on voit que son physique et pas son aspect psychologique et mental, et du coup, ça, c'est la personnalité, et qu'on en rêve, c'est qu'on est attiré que par son physique. Du coup, finalement, est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Je sais pas. Ouais, mais attends, le Joker, parce que tu me fais un peu penser au Joker. Tu choisis une femme par rapport à son physique ou quand tu t'approches d'une femme physiquement, c'est ça qui t'attire en premier? On va pas être hypocrite. Oui, c'est vrai. C'est tu vrai. Vois. Et après, c'est vrai que t'as raison. C'est l'intérieur de la femme. Bien sûr. Mais comme j'ai grandi avec ce genre de femme, comme j'ai un certain âge, n'est-ce pas? Même moi, quand j'étais gamine, elle me faisait rêver. C'était incroyable. Donc, et je voyais que les hommes, quand ils regardaient ces femmes, ils se mettaient à rêver aussi. Donc, c'était impeccable. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là, pas dans ce sens femme-objet. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends le point de vue. Tu m'as fait peur. Non, non, je comprends le point de vue. Pas de souci. Voilà. Comme les hommes sur les calendriers, c'est pareil. Évidemment qu'on ne va pas les épouser. On ne va pas dormir de la nuit. Il est passé où, le type ? Il est trop beau. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, ah oui. Comme elle a dit, Magali, c'est du rêve. Mais c'est beau de rêver. Voilà. C'est bien de rêver. Et c'est beau de rêver. La rêve, c'est important. Ouais. D'ailleurs, en parlant de rêve, j'ai fait beaucoup de... en ce moment, je fais beaucoup de rêves lucides. De rêves très intenses et très lucides. Ouais. Et du coup, c'est grave cool. Voilà, c'était tout. C'est super. Bah, et c'était quoi le rêve ? Raconte-nous un rêve. Alors, Non, mais c'était vraiment n'importe quoi. J'étais juste. Oui. J'ai pris conscience que je rêvais. Donc, dans mon rêve, j'ai dit que. Dans ma tête, dans mon rêve, dans mon rêve, je me disais, je suis en train de rêver. Du coup, je pouvais faire n'importe quoi dans mon rêve, en fait. Et c'était exceptionnel. T'as fait un dédoublement astral. Ouais, enfin, je sais pas comment c'est. Ton psychique a pris le dessus en fait, sur. Je sais pas. Ton sommeil. Ouais. Micro, micro. Exactement. Ouais. Bah ça, c'est même pas encore arrivé, mais je pense que c'est depuis que j'ai pris du LSD pendant 5 jours d'affilée. T'es resté perché ? Non, non, pendant 5 jours, t'étais comme ça ? 5 jours d'affilée à prendre du LSD. Et t'as pas appelé de fille pour partager ça avec toi ? Bah non. Non, j'ai tout seul, avec ma musique, tout seul, tranquillement. Et après, une fois que c'est descendu, les rêves lucides sont apparus. C'est vrai. Ouais. Après, t'as créé. Mais la prochaine fois, appelle une copine. Oh. Tu lui sors un mytho. Sous LSD, non. T'appelles personne ? Sous elle ? Oui. Non, je préfère rester seul, faire les activités normalement, tranquillement. Ah, parce que vous êtes plus, vous êtes pas dans le même univers après, c'est ça ? Disons, au départ, quand on perd la conscience qu'on tripe, on peut être dans un autre univers. Mais si on prend conscience qu'on est en train de faire un trip, on peut rester normal. Genre, j'aurais pu venir ici sur LSD et être normal. Mais t'es timide ou pas ? Un petit peu. Mais ça va. T'as des copines ? J'en ai, mais c'est pas forcément... Mais tu sais, tu peux avoir plusieurs copines en même temps, tu vas pas aller en enfer. Tu le sais, ça. Je sais bien, mais ce que j'aime, je suis pas, comment dire... Tu le sais, moi je suis chrétienne et je le sais. Hein, donc, J'aime avoir une seule fille, une seule copine dans ma vie, et pas en avoir plusieurs. Ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que voilà, moi, personnellement, je peux partager que l'amour avec une seule personne, donc donner de l'amour à une seule personne et pas plusieurs. Ouais. Je sais pas, t'es un romantique. Je suis mauvais fou, voilà. C'est bien. C'est dommage, je ne suis pas plus âgé que toi. Je t'aurais agressé sexuellement. Non, mais c'est vrai, docteur. T'es jeune, t'as quel âge ? Alain Badiou disait qu'aujourd'hui, c'est la 25 ans, mon fils a 24 ans, ça va me faire bizarre. Hein. Alain Badiou, dans son texte sur l'éloge de l'amour, disait qu'il y a 40 ans, être polygame, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, c'est très monogame, c'est très révolutionnaire. Personne n'est monogame, quoi. Personne tient la route ou dépasse les problèmes des couples, c'est pas évident. C'est vrai. Il faut tenir le truc. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, quand on lit Seul, chacun a son choix. Chacun choisit comme il veut sa vie sexuelle. Oui. Ça ne dérange pas les autres. Non. Alors, c'est vous les spécialistes. C'est vous que... Non, mais si, c'est vrai. Mais on en avait déjà parlé, docteur. Ouais. Même ma grand-mère me l'avait dit. Elle me disait, est-ce que tu as trouvé un copain ? Parce que ma grand-mère, elle a peur que je finisse vieille fille. Hein. Je pense que c'est un peu foutu. Donc voilà, et à chaque fois je lui dis, mais ils ont des copines, c'est des menteurs. Et elle me disait, mais tous les hommes ont des copines. Mais bon, c'est une femme de l'ancien temps, elle me fait, tous les hommes ont des copines, tous les hommes sont un peu polygames, tous les hommes ont le fantasme d'avoir un harem. Elle m'a dit, c'est normal. Donc c'est une femme. Hein. Elle m'a dit, c'est normal. Donc voilà, elle me dit, il faut juste que tu trouves un homme qui te convienne. Elle avait bien parlé, mémé. Ouais. Hey, mémé, tu entends là ? Tu es où ? Ouais. Mémé, tu peux nous appeler au numéro de Radio Métanoïaque et tu peux corriger ta petite fille si elle n'est pas d'accord. Vas-y, mais Julien veut dire quelque chose. Elle avait dit si, si. Elle a dit il faut juste un homme qui te convienne. Si t'attends qu'il soit fidèle, sans copine, sans rien, elle m'a dit je ne serais pas restée avec ton grand-père. Hein. Alors, donc, voilà. On écoute un peu Julien qui veut. Ça rejoint ce que vous dites, docteur. Chacun voit midi à sa porte. Vas-y, Julien, on t'écoute. Je suis trop d'accord avec ça, parce qu'en fait, c'est une histoire trop de blanc entre gamins et s'en prendre un africain, c'est trop mal quand je change de région. Et quand on prie un vœu Dieu, on ne fait pas de vœu Dieu, semblant de rien, qui dit oui, d'une vérité. Oui. Merci. Merci beaucoup. Prenons une attitude un peu scientifique, un peu très important des infos. Après, moi je conseille la main car je viens de l'envoyer. Mais les aliments qui sont préparés dans la terre, Ça revient encore un code, c'est rien, c'est quel. C'est le code confession. En fait, t'as un jeune homme qui le fait, il n'y aura pas son nom, ainsi caché. Mais pas caché de vue, mais à le dire à ce frère ou à son relance. Hein. C'est en fait ce qu'on fait, les contrats de légumineux, les uns et tout. En fait, se contrer par quelque chose de très bien piquant. Si vous avez bien dans le restaurant, allez chez vous et vous verrez bien ce frère, quoi. Monsieur Broly Roseur. Ouais, super Julien, moi j'adore quand tu parles à la radio. Ouais. Sexy. Tu as une super voix radiophonique, Julien. Cool, tu entends rarement parler, mais là je vois que ta voix elle est magnifique, donc tu viens tout le temps à parler. Alors, il y a Farouk, il y a Naïma, il y a Princesa. Waouh. Princesa, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose? Viens, tu peux t'asseoir un peu là et nous dire deux mots, parce que juste pour nous dire bonjour à la radio, tu l'as. Je t'ai pas trop mal à la radio. Oui, dis ce que tu veux. Bonjour, Princesa. Bonjour, je m'appelle Princesa. Je suis élève de Soignon et. Raconte-nous ta vie. Là, je sais pas. T'as chanté? Non. C'est la première fois que je suis ici en psychiatrie. C'est la première fois que j'ai d'expérience en faisant cet stage. Je suis ici. Bien. Si tu te présentes, c'est excellent. Tu peux dire ce que tu veux, c'est la liberté de la radio. Ça fait 4 ans que je suis ici en France. Oui. Avant de faire ma formation d'AS, j'ai eu mon bac. En fait, demain, j'ai mon remise de diplôme. Ouais. Et. J'ai pris le français quand j'étais en ASSP. J'ai rien à dire en fait. Et j'aime bien le sourire aussi. C'est tellement qu'elle est sérieuse. C'est vrai. Oui. Toi, on est entre amis. Princesa, tout, merci beaucoup. Tout. C'est juste, oui, tu peux parler ce que tu veux. Dis tout, tout simplement. Enlève tout. C'est Sophie qui nous aide à. Ah. Moi, je viens de Guinée-Bissau, mais j'ai de nationalité portugaise. Ah. Vous parlez portugais, là. Oui. Ok. Et vous êtes fala portugaise. Portugais. Ok. Bon, bienvenue, Princesa, ici. On est tous les mercredis, les oui. Métanoïaques. Ouais. Mais prends le micro parce qu'on ne t'entend pas. Oui. Ouais, bon, bienvenue, on est là. Donc, même si vous finissez vos stages, vous pouvez venir à la radio tous les mercredis à 17h, on est là. Enfin, on est à partir de 15h parce qu'on prépare, on a toujours des petites galères techniques, des trucs, on fait tout un peu à l'arrache parce qu'on n'a pas de matériel de l'hôpital. Et voilà, j'essaye de passer une annonce hôpital, ça fait 2 ans qu'on vous attend. Mais voilà, on est là et donc on organise tout ça. Et à 5h, on est en direct. Voilà, donc on signe les contrats. Mais bon. À condition que. Naïma, est-ce que tu voulais dire quelque chose hein. Attends, non, pas très gentil. Hein. Je suis gentil. Oui. Donc, on va. Quelqu'un qui donne. Sophie, merci, Princesa. Vous connaissez des chansons Burkina Faso? Non. En portugais. Des fados. Vous chantez le fado? Je ne sais pas quoi chanter. Ah ouais. Si on pouvait mettre du fado un jour. On va mettre du fado après, mais avant, c'est Naïma qui va nous chanter une chanson. Et après, Julien va nous faire du bruitage. Vas-y, Naïma, tu peux improviser. Oui, Dadjou, peut-être. Vas-y, Dadjou. Assez parlé, au bout d'un moment, il n'y a plus les mots. Ça y est, j'ai délaissé mon cœur dans ta peau. Je te laisserai pas t'en aller, c'est mort. J'ai mis du temps à te retrouver, mis à mort. Voilà, j'arrête, je suis fatiguée aujourd'hui. Ouais, mais là, je suis fatiguée. Donc, j'essaye une autre de Gims, Maître Gims. Non, jaloux, c'est Dadju. Jaloux. Qu'est-ce que je vais chanter de Gim? J'en ai beaucoup. Merci maman de m'avoir donné la vie. C'est une chanson de Gims qui s'appelle Merci maman qui m'a donné la vie. Aujourd'hui, on est à temps. Je remercie maman qui m'a donné la vie. Donné la vie. Donné la vie. Oui, je remercie maman qui m'a donné la vie. Voilà. C'est une chanson de Gims. Merci, merci beaucoup. C'est une vraie chanson de Gims. Voilà. Oui, ok. Attends, Julien, c'est trop beau ce que tu fais, vas-y. J'en sais rien, moi, je voulais pas aller. Quelqu'un qui pique des billes, qui pique tout, qui pique tout, qui pique tout, qui pique tout, qui pique tout. Et tout, et tout, et tout, et tout. Ah, ça entendu. Super, Julien, un bruitage, Julien. Alors, Farouk, tu veux nous dire quelque chose aujourd'hui? Tu peux nous écrire ton dessin là, que tu fais toujours des super dessins. Après, on peut mettre la chanson de Gim si tu veux. Pedro, tu veux nous parler un peu la colonne de Gastrosophie là? On a encore 15 minutes en direct à la radio. Voilà. Et Farouk, tu peux nous dire quelque chose? Tu peux chanter si tu veux. Tu peux nous dire quelque chose? Il y a plein de gens qui ont entendu chanter Michael Jackson et ça demande qu'est-ce que c'est ta voix ou si tu veux chanter un truc comme ça, improviser. Si ça vient. Bon, si ça vient, tu diras. Inaltinho. Voilà, bon, on va passer à la colonne gastrosophie dans 10 minutes, mais pendant que Julien fait un petit break, zonard. Il a d'abord, mais il a dit. Sinon, on discute d'autres choses sur la radio. À la télé, pourquoi ça marche que les fils? Pourquoi ça marche pas? L'antenne et tout, c'est trop les gens. Mais bon, c'est ok. Mais après, ce qu'un tata se dit, c'est voyons rien dans le droit. Guerre. Et je dis, c'est chiant, mais tout s'arrête. Parce que je me demande des filles instructives. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Super. T'as mis un peu de fait delay là, parce que là on parlait tout à l'heure du LSD tout ça, mais en fait on peut faire un LSD. Il y a des gens qui font des drogues acoustiques, je sais pas si vous avez entendu parler, que vous écoutez une espèce de son et ça vous produit un effet hallucinogène. Donc voilà, tu veux faire un effet hallucinogène pour nos écoutes? Effet du bordel à les maisons, votre soin de psychiatrie. Hop là, on met comme ça pour moi. Allez, super, bravo Julien. Allez, madame Chourtani, c'est ça votre nom? C'est ça, Chourtani. Soumicha Tani qui nous parle de tout. À chaque fois, vous nous parlez de tout. Voilà. Allez-y, parlez-nous de tout. Je voudrais vous parler d'un pays qui sont pauvres, les gens là-bas, ça fait de la peine. Il faut les aider. Je dis mal, pas avec la gorge, je dis mal. J'ai mal à parler. On s'entend très bien, allez-y, hein. Ça passe très bien à la radio. J'espère que là-bas, ils ont du sol à les pauvres. J'espère qu'ils vont les soigner, les médecins là-bas, médecins de l'Afrique du Sud. J'espère qu'ils vont aller très bien et c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et pourquoi vous venez pas aussi à TDP? Prenez les micros. Comment? Micro, ah, micro, super, micro, on vous attend. Hein. Oui, on fait la recrute pour on la... On peut écouter deux secondes la musique de la voyance, là, qui est un peu... Ah, ça, c'est moi qui l'ai fait ici, là, au clavier. J'aimais bien cette musique. Mais il nous manque le ça voyant. Ça fait un peu aquatique. Les voyants, là, qu'il est parti en coup de tête. Je sais pas où il est. Il est où, JF, tu es où, là? Vous savez pas la météo pour la semaine à venir? Bah, allez-y, ouais. Faites-le. Si, mais sa porte, elle est fermée. Là, il a fermé la porte. On a essayé de l'ouvrir avec une radio. Justement, avec une radio. Ah oui. Mais sans X. Ça, ouais, ça marche, la radio. Bah, oui, mais ça n'a pas marché. On a bousillé une radio de Michel, de Viviane. Ouais. Ouais, on n'a pas réussi à ouvrir la porte, donc il est là. Il est là. Ben, il reste la nuit ici. On va passer la nuit. Ouais, bon, voilà. Ça va. Voilà, c'est une manière. L'occasion de venir à l'hôpital, comme une autre. Ouais. Est-ce que Ignatinos, tu veux parler quelque chose? Vas-y, Ignatinos, partage-nous tes pensées. Pas regarder. Non, parce que... Vas-y, juste un bonjour, c'est bon. Et pourquoi on chanterait pas? Je voulais juste vous dire que je m'appelle Ignal Tinon et que j'ai l'impression que j'ai déjà vécu ici, mais auparavant, j'étais ailleurs. Et je trouve ce monde un peu bizarre et très... très perturbant. Voilà. Merci. Ouais, merci Ignatinos. Avant, il l'a fait toujours, mais aujourd'hui, il est un peu plus en silence sur le système solaire. Parce qu'on parlait tout à l'heure, Ignatinos, il a des connaissances que nous n'avons pas, des perceptions peut-être que nous n'avons pas, sur le contact avec le système solaire. Et donc, parler tout à l'heure des choses. Vas-y, Ignatinos, tu peux nous dire. Dans le système solaire, il y a plein de choses comme la nourriture. Ils disent que c'est très important. Que chaque personne doit manger son pain, son ce qu'il faut pour lui, et surtout beaucoup de viande. Et moi, au début, je n'avais pas la conscience, mais maintenant, je trouve cela très bizarre. Voilà. Qu'est-ce que tu trouves bizarre? De manger de la viande. Ouais. Je sais pas. Je trouve cela. Un peu, comment dire, psychothérapeutique. Et ça m'aide pas vraiment dans ce que j'étais avant. Et je suis heureux que les gens puissent m'entendre, mais ça ne change rien. Et je sais pas si un jour je pourrais m'en sortir. Et parce que j'en ai envie et voir au-delà de ce monde, de ces terres, et voir quelque chose de magnifique, somptueux, et que ça soit pour moi et pour celles que j'aime. Merci. Oui, merci Ignatinos. Mais toi, tu penses que tu vois un peu ça, tu as des voyages, on a parlé de ça. Tout à l'heure, on parlait par exemple que la Lune, c'est une théorie... qui n'est pas faux, là, cette théorie des années 70 et certains scientifiques russes, que la Lune est creuse et que la Lune, il y a des gens qui habitent à l'intérieur. La même théorie d'un philosophe Gurdjieff, un vieux philosophe, qui disait que la Lune était créée pour nous bloquer au niveau de notre perception astrale. Et micro, là. Mais je suis un peu perdu, je suis adorable. Ouais, non, mais c'est une théorie. Attendez, il y a une chanson là. Ignatinos, il connaît ça? Ignatinos connaît plus de choses, plein de choses. Il connaît ce dont vous me parlez là. Oui, oui, on n'a pas parlé, mais bon, il la garde un peu en secret pour l'instant, mais la radio, là, on est en confiance et on peut diffuser certaines choses. Mais ce n'est pas du tout une histoire inventée, c'est une histoire très ancienne. Parce que la mission de l'Apollo 12, quand il s'est écrasé sur la Lune a fait une espèce de son métallique comme une cloche. qui a sonné pendant plus d'une heure. Et voilà, cling, comment ça sonnait ? Tu as été m'aider, je ne sais pas encore, mais pas encore dans la cloche, ça. Voilà, c'est pas comme ça, mais c'était une cloche. Mais le... Et puis voilà, il y a toute une théorie qui est pourquoi la Lune a la même taille que le Soleil, par exemple. C'est un truc très étrange, ça n'existe nulle. Merci beaucoup, Julien. Et, c'est pas Julien. Mais oui, c'est Julien. Il y a plein de choses qui font dire que la Lune, qui voyage à la même vitesse, qu'il y a les éclipses. Donc ça fait qu'il produit des phénomènes sur les choses. Il paraît que le météorite qui s'écrase sur la Lune et laisse une espèce de trace convexe, pas concave. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de truc métallique qui la protège. Enfin voilà, plein de théories comme ça. Qu'Ignaltino connaît mieux que moi, et aussi comme il y a des autres vies dans des autres planètes, et qu'on aborde ici à la radio quand on veut. Alors, on va passer à la musique là, parce que je vois qu'il y a deux personnes qui... Oui, tiens, attends une seconde, on va chanter un peu. Ah, c'est beau ça. Allez-y, allez-y. Vous êtes en direct. Pas mal. Waouh. C'est moi qui parle ? Comme moi. Ouais, mais je la connaissais pas. Vous voulez deux micros comme ça, vous êtes. Tout ça, revenir maintenant, c'est plus envisageable comme un message dans le. Je suis différent, de différent, de toi je suis différent. Je vais m'occuper de la réparer. Oui, différence, la seule différence, c'est quand elle m'appellera, je répondrai. Entre nous, responsable. Il n'y a plus rien à tirer d'autre coup, qui est remplaçable. Elle veut un king comme moi. Elle veut un king comme moi. Elle veut un king comme moi. Elle mérite un king comme moi. Comme moi. Comme moi. Remercier. C'est bon, c'est bon. Là, elle doit aller chercher son fils. Hé, t'as 10 minutes. Tu vas être en retard. Bonsoir à tous. Je me présente, Farouk. J'ai pas beaucoup participé à cette émission, mais je voulais participer en chantant une chanson de Renaud, et dont le titre est Pierrot. Pierrot. C'est celle-là à laquelle ça me fait penser la chanson de Sol. C'est celle-là, tu vois, qui me faisait. T'es pas né dans la rue. T'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente, de pas te voir j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis. Au moins toute une semaine, ce sera dur, mais tant pis. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, que tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien, tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin. Moi je connais pas ta mère, je la cherche en vain. Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, dans un coin de ma tête, y'a déjà ton trousseau. Un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai les gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu trouveras pas les pognes avant de venir à table. Et tu me traiteras d'ivrogne quand je piquerai ton cartable. Je t'apprendrai mes chansons, tu les trouveras débiles. T'auras peut-être bien raison, mais je serai vexé quand même. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, allez viens mon Pierrot, tu seras chef de ma bande. Je te refilerai mon couteau, je t'apprendrai la truande. Allez viens mon copain, je t'ai trouvé une maman. Tous les trois ce sera bien, allez viens, je t'attends. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, du coup, voilà, c'était mon interprétation de Pierrot de Renaud. Et ma mince participation à l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Bon, on a deux minutes. Merci beaucoup, Farouk. Hein. Génial. En dehors de, il faut dire que Farouk, il fait des dessins incroyables pendant qu'on fait l'émission. Là. Génial. Il a fait un portrait impressionnant, difficile à décrire au niveau radio. Magali, est-ce que tu pourrais prendre le micro et essayer de décrire ? C'est ce que tu vois dans le... Prends le micro, essaye de décrire à au radio. Le dessin qu'a fait Farouk, c'est une dame avec un chignon, les cheveux un petit peu relevés, les cheveux couleur sombre, plutôt brun, châtain foncé. Et elle a les yeux verts et il y a du sang qui s'écoule des pupilles de ses yeux. Alors, est-ce que le sang écoule des cils ou des pupilles ? On ne sait pas très bien. Ça pourrait faire peur, mais en fait, si on enlève le sang comme ça... ça fait pas tellement peur, c'est un joli dessin. Voilà, les lèvres sont rouges, les yeux sont verts. Non, c'est très joli. C'est magnifique. Merci beaucoup. Bon, il y a une minute. Pedro, est-ce que tu veux dire quelque chose dans une dernière minute qu'il nous reste à la radio là ? Passez-lui un micro là, Pedro. Tu peux lui passer le micro ? Je pense que c'est le moment de manger des bonnes choses parce que comme je fais de la gastrosophie, la science de l'amour de la cuisine. Autrement dit, je vous conseille de manger du couscous et d'ajouter du poulpe à votre couscous. Ou alors, le manger carrément végétarien qui est très très bon et simple et sain. Voilà. Bonne santé. Du couscous végétarien. Avec des légumes, avec de la sauce, avec un peu de tomate, avec ce que vous voulez. Mais à la semoule mélangée à des tas de choses. Vous savez, tout ce qui tient chaud. Et ce sont des plats qui se partagent. Et je pense que manger seul est une chose, une petite barquette achetée à Monoprix ou à Lidl, ou faire un grand plat comme la sœur de Mohamed vient de nous raconter, qu'elle se lève à 4h30 du matin. Il faut vraiment aimer ce moment de confraternisation. Et la preuve en est que Mohamed a mangé à 10h30 du matin. Mais des fois, la semoule, on met des pommes chaudes avec de la cannelle. Et ouais, c'est super bon. Voilà, simple. Ah, je pense qu'un vin nature, ça pourrait être... ah oui, c'est bien. Avec un jus de pomme, c'est aussi bien. Un lait de soja. Moi, j'aime beaucoup en ce moment le lait de coco, le lait de cajou, le lait de noisette et le lait d'amande. Et le lait de riz qui est un délice. Si. Après, ah oui. Ah, ou alors, vous savez, il y a ces trucs-là, le lait caillé qu'on boit en liquide. Il y a les Turcs, il y a l'Algérien, il y a le Marocain. Comment on appelle ça en Algérie, le lait caillé ? Eran, là, c'est bon aussi, ça. Voilà. Donc, amusez-vous bien. Et surtout, faites de la nourriture quelque chose qu'on célèbre, qu'on fête et qu'on partage plutôt que qu'on s'empiffre et qu'on ne voit pas ce qu'on mange par simplement une fonction de tuer la faim. C'est aussi quelque chose qu'on intériorise pour avoir plus de joie. Ouais, voilà, merci. Et merci beaucoup. Hey, bonjour. Vous voulez lire un petit poème avant qu'on ferme la radio ? Venez, venez, venez. Merci Pedro pour sa gastrosophie, la colonne gastrosophique de Pedro Serra. Et là, on a une invitée qui arrive juste à la fin, mais vas-y, direct poème. Prenez le micro. Un poème ? Oui, je pensais que vous amenez un poème dans la main, mais bon. On pouvait transformer ça en un poème, comme il fait Mohamed. Mais oui, transformez votre ordonnance en poème, allez-y. Exercice. Alors, qu'est-ce qu'on t'a mis sur ton ordonnance ? Le micro ? Ouais, c'est bon. C'est quel numéro, le micro ? Je connais tous des cas. Le numéro 4. 4, allez-y. Abilify. Abilify maintenant. Abilify maintenant 400 mg. 1. Apprendre toutes les 4 semaines. Prochaine injection le 9 du 12e mois de l'année 2022, le 6 du premier mois de la nouvelle année 2023 et le 3 du deuxième mois de la nouvelle année 2023 à délivrer en pharmacie une seule fois. Voilà. Le poème de la Abilify, c'est ça ? C'est génial. Comment ? Ce poème, le poème de la Abilify. Titre Abilify. Voilà. Pour les fêtes de Noël aussi ? Abilify. Abilify pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. Pour les fêtes de Noël, Abilify ? Pour tout le monde. Ouais, les SDS, c'est mieux. Ah. Bah oui. Ouais. Bon, ça marche pour certains, ça ne marche pas. Mais un jour, j'étais dans un cours d'un médecin homéopathe qui disait que chaque médicament soignait la moitié avec les noms qu'on mettait là-dedans. Par exemple, Abil, comme habilité, vous voyez, Abilify, ou Risperdal, il y a le côté espoir. Enfin, dans chaque mot, il y a un mot qui soigne. Parce qu'on disait la maladie, ça veut dire mal, ça vient de maladire. C'est des choses qui sont dites pas d'une bonne manière. C'est pour ça, justement, c'est un poème qu'il faut retrouver à l'intérieur de chaque médicament. Ouais, voilà. Abilify, c'est un peu le mot. Mais micro, tiens. C'est un nom de médicament qui est sympa, Abilify. Ouais, après, moi, je ne l'aime pas particulièrement, ce médicament, parce que j'aime pas beaucoup de médicaments. Mais le nom en lui-même, il est plus fun que Teralite. Ou... Ouais. Donc, Abilify, ouais, ça a l'air sympa quand on l'entend. Après, quand c'est dans notre organisme, il y a des gens qui supportent et des gens qui ne supportent pas. Moi, je sais que j'ai plein d'allergies à plein de médicaments, Risperdal, Abilify, tout ça. Après, ça dépend des gens. Ouais. Non, mais je suis d'accord. On est tous d'accord. Voilà. Bon, écoutez, il est 18h un peu passé. Donc, je vous dis à lundi pour ceux qui viennent à la radio de cette ETP, à la nouvelle radio qui est en train de se faire. Ah, c'est pas le vendredi, docteur ? Non, ça a changé parce que j'ai pas l'autorisation de l'hôpital. Ils ont fait un truc dingue. Donc, c'est le. Bon, les mercredis ici, Radio Metanoia, c'est tous les mercredis, ça marche pas. Mais la nouvelle radio Schizophonia, que ça s'appelle pour l'instant, c'est les lundis, l'enregistrement, lundi matin, entre 10h et midi. Et le jeudi matin, on va faire le montage. Donc, demain, si vous voulez passer, on est là avec Seol, oui, entre 10h30 et midi. Caché, 30. Je t'ai pas vu. Voilà. D'accord. Voilà, je vous embrasse fort. J'ai pas voulu rater cet atelier. Je ne suis pas mis aux deux premiers ateliers des deux premiers jours de la semaine. Je me suis dit, l'atelier radio, c'est aujourd'hui, même si j'ai plein de choses à faire, il faut que je vienne. Oui, mais venez, sinon venez lundi à l'autre nouvelle radio qu'on fait. Mais c'est quoi l'adresse, docteur ? C'est 6 cours de la République, c'est juste en face de cinéma, là, derrière l'église. Ça va. Ok, bon, merci beaucoup pour tous. Hein. Merci, Sol, pour le programme. Et à la semaine prochaine. Merci tous, Pinot. Merci à vous. Et on se voit. Mercredi prochain et demain. Ah, bravo, bravo tout le monde. C'est vrai ? Ouais, ça fait longtemps. Ah, merci. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bondy face à l'église, je mangeais une crêpe avec un pote. Oui, mais il y avait Gilles.